drogue en harmonie. Check harmonie, Lascar poli, gamme, holidays à dame, les jolies dames, on les dames au lit. Guerrier Maoni, le bonheur Maomi, ça sert à rien de fantasmer sur Naomi, you know me. Pas de place pour celui qui sera molly. Tous les marmonies, mon sérum c'est le rhum d'ammonie. J'suis pas venu la m'emper, j'ai une lame planquée, j'dérobe. Pour ça qu'ils vont se lamenter sur le mur des rôdes. J'nique les rôdes, NT1 et NT2. Lève les mains, baisse les yeux, baisse terrain, reste teigneux. Pas de coiffeur, à la maison y'a de quoi faire. J'me fais la boule, moi seul à la tondeuse, ça coûte moins cher. J'ai pas le temps de me retenir quand j'ai envie d'aller yes. J'ai pas le temps de teps devant une mine, surtout quand elle est yes, wesh. Parfois c'est qui goût, c'est qui tout, c'est qui goût. Parfois c'est qui goût, c'est qui tout, c'est qui goût. Parfois c'est qui goût, c'est qui tout, c'est qui goût. Parfois c'est qui goût, c'est qui tout, c'est qui goût. C'est pas moi, les 7-7. Sur un 17, mesure en 7, le son, je dissèque, je te jure, sur un son 2007, le son numéro 1. N'essaie pas de mettre le Nil en bouteille avec des 6 têtes. Dans ce cas-là, Babouane aurait déjà un bootleg. Numéro 2, M2Ro sur sa vague, te scoute un sarcophage, cette vitesse sur une vague, bienvenue à Sarcoplage. Numéro 3, mes mérimes en accapellation, foudroyant, M2Ro c'est mon appellation. Numéro 4, c'est les sons 920 BPM. Numéro 5, toujours à fond comme dans un BM. Numéro 6, c'est le Babouane des Babouane, le number one, c'est bien WAM, le number one. Numéro 7, on me dit M2Ro, oui, une race héroïque, rare comme une astéroïde. Babouane c'est qui goût, c'est qui tout, c'est qui goût. Babouane, Babouane c'est qui goût, c'est qui tout, c'est qui goût. Babouane, Babouane c'est qui goût, c'est qui tout, c'est qui goût. Babouane, Babouane c'est qui goût, c'est qui tout, c'est qui goût. Babouane, Babouane. Notre rap du fait rire les quinries à épater les Suisses. Prépare-toi, le rap à Paris à écarter les cuisses. Donc de là où j'habite, je suis parti cueillir mon tu. Et je vais tout niquer, car j'ai la bite particulièrement dure. Certains font des trucs pourris, on fait du sodomise. Je crois que le rap français sourit quand je le sodomise. Moi je passe pas sur Skyrock, c'est normal que je sois ta mère. Je suis gravé dans le rock, mais premier sur ta mère. Est-ce que t'avoues ta bête que quand je rappe je secoue le beat? Quand le rap prend pas la tête, bah il se prend des coups de bite avec ton son dès le matin. C'est l'on décoléré, moi je suis pas latin, ni un blond décoloré. Tu veux que je te frappe, frappe dans tes mains. Moi j'aime pas le rap, je n'aime que le mien. Pareil que t'es chaud, que t'es un dur, mais quand tu me dis ça je ris. Dans la vie t'es beaucoup moins hardcore que sur ta messagerie. Parfois c'est qui goût, c'est qui tout, c'est qui goût. Parfois, parfois c'est qui.